car vous allez joindre, essaim charmant et folle, la farce italienne à ce drave espagnol et sur son ronflement tintant un bruit fantasque l'entourer de grelots comme un tambour de basque. Bravo ! Vite ! Une menthe ! Un capuchon ! Allons ! Vous nous jouerez un air, messieurs les violons. Bravo ! Des officiers, des femmes en costume, et 20 pas en avant, moi, tout seul sous la plume que la gloire elle-même à ce feutre piqua, fier comme un scipion, triplement nasica. C'est compris ? Défendu de me prêter main forte. On y est ? 1, 2, 3, portier, ouvre la porte. Ah, Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la Seine, comme un mystérieux et magique miroir, tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte de Nel. À la porte de Nel. Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur cent hommes furmi ? C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Nougat, flan, pain, roistol, bœuf en daube. Sur le cuivre déjà glisse l'argent de l'aube. Étouffe en toi le dieu qui chante, Ragnar. L'heure du luth viendra, c'est l'heure du fourneau. Vous, veuillez m'allonger cette sauce, elle est courte. De combien ? De 3 pieds. Hein ? La tarte ! La tourte. M'amuse, éloigne-toi pour que tes œufs charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches, au milieu la césure, entre les hémistiches. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit. Et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, mon fils, comme le vieux Malherbe alternait les grands vers avec les plus petits et fait tourner au feu des strophes de rôti. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci qui vous plaira, je l'espère. Une lyre. En pâte de brioche. Avec des fruits confits. Et les cordes, voyez, en sucre je les fis. Va boire à ma santé. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. C'est bon. C'est ridicule. Des sacs ? Bon, merci. Ciel, mes livres vénérés, les vers de mes amis, déchirés, démembrés, pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les vacantes. Et n'ai-je pas le droit d'utiliser vraiment ce que laissent ici pour unique paiement vos méchants écriveurs de lignes inégales ? Fourmis, n'insulte pas ces divines cigales. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Baconte, ni Fourmi. Avec des vers, faire cela. Pas autre chose. Que faites-vous, alors, madame, avec la prose ? Vous désirez, petit ? 3 pâtés. Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Hélas, un de mes sacs. Que je les enveloppe ? Tel Ulysse, le jour qu'il quitta Pénélope. Pas celui-ci. Le blond Phébus, pas celui-là. Eh bien, qu'attendez-vous ? Voilà. le sonnet à Phyllis. Mais c'est dur tout de même. C'est heureux qu'il se soit décidé. Nicodème. Psst, petit, rendez-moi le sonnet à Phyllis. Au lieu de 3 pâtés, je vous en donne 6. Phyllis, sur ce doux nom, une tache de beurre. Phyllis. Quelle heure est-il ? 6 heures. Dans une heure. Bravo ! J'ai vu. Quoi donc ? Votre combat. Lequel ? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. Il en a plein la bouche. Allons, tant mieux. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que c'est beau. À la fin de l'envoi... Quelle heure, Raguenaud ? 6h05, je touche. Oh, faire une balade. Qu'avez-vous à la main ? Rien, une estafilade. Pourrûtes-vous quelque péril ? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon nez remuerait-il ? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls ? C'est que je ne peux pas. Mes rimeurs vont venir. Pour leur premier repas. Tu les éloigneras quand je te ferai signe. L'heure ? 6h10. Une plume ? 2 signes. Salut ! Qu'est-ce ? Un ami de ma femme. Un guerrier. Terrible à ce qu'il dit. Chut. Écrire, plier, lui donner, me sauver. Lâche. Mais que je meure si j'ose lui dire un seul mot. L'heure ? 6h15. Un seul mot de tous ceux que j'ai là, tandis qu'en écrivant... Eh bien, écrivons-la, cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Les voici, vos crottés. Confrères ! Chers confrères ! Aigle des pâtissiers ! Ça sent bon dans votre air. Oh, Phébus rôtisseur. Appelons maître que... Comme on est tout de suite à son aise avec eux. Nous fûmes retardés par la foule attroupée à la porte de Nel. Ouverts à coups d'épée, 8 malandrins sanglants illustraient les pavés. 8 ? Tiens, je croyais 7. Est-ce que vous savez le héros du combat ? Moi ? Non. Et vous ? Peut-être. Je vous aime. Un seul homme, assurait-on ? Su mettre toute une bande en fuite. Oh, c'était curieux. Des pics, des bâtons jonchaient le sol. On trouvait des chapeaux jusqu'au quai des orfèvres. Sapristi, ce dut être un féroce. Vos lèvres. Un terrible géant, l'auteur de ses exploits. Et je m'évanouis de peur quand je vous vois. Qu'as-tu rimé de neuf, Raguenaud ? Qui vous aime ? Pas besoin de signer, je la donne moi-même. J'ai mis une recette en verre. Oyons ces vers. Cette brioche a mis son bonnet de travers. Ce pain d'épices suit le rimeur famélique, de ses yeux en amande aux sourcils d'angélique. Nous écoutons. Ce chou bave sa crème, il rit. Pour la première fois, la lyre me nourrit. Une recette en vers. Tu déjeunes ? Tu dînes ? Comment on fait les tartelettes amandines ? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes. D'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en s'épuis. Puis que s'épuis passe au four et... Blondine, sortant en guétroufelet, ce sont les tartelettes amandines. Exquis. Délicieux. Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme ils s'empiffrent ? Je le vois, sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi ? Tu me plais. Et là, Lise, ce capitaine vous assiège. Oh, mes yeux d'une yade hautaine savent vaincre quiconque attaque mes vertus. Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. Mais... Raguenaud me plaît. C'est pourquoi, dame Lise, je défends que quelqu'un le ridicoculise. Mais... À bon entendeur. Vraiment, vous m'étonnez. Répondez. Sur son nez. Sur son nez. Sur son nez.

Je défendrai votre petit baron. Oh, n'est-ce pas que vous allez me le défendre? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami? Je le serai. Et jamais il n'aura de duel? C'est juré. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, c'est dû être inouï. Dites-lui qu'il m'écrive. Ah, je vous aime. Oui, oui. Cent hommes contre vous. Allons, adieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrive. Cent hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis. Cent hommes, quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on rentrer? Oui. Le voilà! Mon capitaine! Notre héros! Nous savons tout! Une trentaine de mes cadets sont là! Mais... Viens, on veut te voir! Non! Ils boivent en face, à la croix du Trawar! Je... Le héros refuse! Il est d'humeur ou rue! Ah, Sangius! Les voici qui traversent la rue! Messieurs, vous êtes donc tous de Gascogne? Tous! Bravo! Baron! Baron! Je t'embrasse! Baron! Embrassons-le! Baron! Baron, de grâce! Vous êtes tous barons, messieurs? Tous! Le sont-ils? On ferait une tour rien qu'avec nos tortilles! On te cherche! Une foule en délire conduite par ceux qui, cette nuit, marchèrent à ta suite. Tu ne leur as pas dit où je me trouve? Si! Monsieur, tout le marais se fait porter ici. Roxane, tais-toi. Cyrano ! Ma boutique est envahie. On casse tout. C'est magnifique. Mon ami ! Je n'avais pas hier tant d'amis. Le succès ! Si tu savais, mon cher ! Tu ! Qu'est-ce donc qu'ensemble nous gardâmes ? Je veux vous présenter, monsieur, à quelques dames qui l'a dans mon carrosse. Et vous d'abord, à moi, qui vous présentera ? Mais qu'as-tu donc ? Tais-toi ! Puis-je avoir des détails sur... Non ! C'était Euphras Renaudot, l'inventeur de la gazette. Baste ! Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir. On dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Monsieur ! Encore ! Je veux faire un pentacrostiche sur votre nom. Monsieur ! Assez ! Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion. Qui tient à vous mander son admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de courre. Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'aurait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu. De nos yeux. Mais... Tais-toi. Tu parais souffrir. Devant ce monde. Moi. Souffrir. Tu vas voir. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Vous servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Chez nous. Ah ah! Tous ces messieurs à la mine hautaine, ce sont donc les fameux... Cyrano! Capitaine? Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Ce sont... les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux. Bon. Bretteurs et menteurs. Sans vergogne. Ce sont les cadets de Gascogne. Parlant blason, lambelle, bastogne. Tous plus nobles que des filous, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon de Casteljaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat. Dents de loup. Pendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont coiffés d'un vieux vigogne dont la plume cache les trous. Oh. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne, perce-bedaine et casse-trogne. Dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux. Ô femme, adorable carogne, voici les cadets de Gascogne que le vieil époux se renfrogne. Sonnez, clairons, chantez, coucou! Voici les cadets de Gascogne qui font cocu tous les jaloux! Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi ? Non, monsieur. À personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu ! Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Vraiment ? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Mais quand un vers lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Il le paye moins cher que moi, lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime. Je me le paye en me le chantant à moi-même. Vous êtes fier. Vraiment. Vous l'avez remarqué. Regarde, Cyrano. Ce matin, sur le quai, le bizarre gibier à plumes que nous prime. Les feutres des fuyards. Des dépouilles aux pimes. Celui qui poste à ses gueux, ma foi, doit rager aujourd'hui. C'est ton qui sait. C'est moi. Je les avais chargés de châtier, besogne qu'on ne fait pas soi-même, un rimailleur ivrogne. Que faut-il qu'on en fasse ? Ils sont gras. Un salmi ? Monsieur, si vous voulez les rendre à vos amis... Ma chaise et mes porteurs, tout de suite, je monte. Vous, monsieur. Les porteurs de monseigneur le comte de Guiche. Avez-vous lu Don Quichotte ? Je l'ai lu. Et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer, alors. Voici la chaise. Sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent... J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent. Qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles. Messieurs, messieurs, messieurs. Ah, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non. Merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir, aux lèvres d'un ministre, naître un sourire, enfin, qui ne soit pas sinistre. Non. Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe avoir son encensoir toujours dans quelques barbes. Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rame, étant ses voiles des soupirs de vieille dame. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers, en payant. Non, merci, ça les faire nommer pape par les conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles. Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet, au lieu d'en faire d'autres? Non. Merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François !» Non. Merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. » Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis ? À force de vous voir vous faire des amis et rire à ces amis dont vous avez des foules d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts et m'écrie avec joie « un ennemi de plus ». Quelle aberration ! Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistolettade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes taches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants dans lesquels votre cou s'effémine. On y est plus à l'aise, et de moins haute mine, car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine, chaque jour me tuyote et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gautron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car, pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et l'amer, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi ! Hé, hey, Cyrano, le récit ! Tout à l'heure. Le récit du combat, ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprentif. Apprentif ? Oui, septentrional maladif. Maladif ! Monsieur de Neuviette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que le cordon dans l'hôtel d'un pendu. Qu'est-ce ? Regardez-moi ! M'avez-vous entendu ? Ah, c'est le... Chut ! Jamais ce mot ne se profère, ou c'est à lui, là-bas, que l'on aurait affaire. Deux nazillards par lui furent exterminés parce qu'il lui déplut qu'il parlasse du nez. On ne peut faire sans défuncter avant l'âge la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je ? Un mot. Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine ? Monsieur ? Que fait-on quand on trouve des méridionaux trop vantards ? On leur prouve qu'on peut être du Nord et courageux. Merci. Maintenant, ton récit. Son récit. Mon récit. Eh bien, donc je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, mordius, on n'y voyait pas plus loin que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin ? Il se nomme le baron de Neuville. Ah. Eh bien... Je... Très bien. Je disais donc... Mordius ! Que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez ! Une dent ! Qui m'auraient une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer... Le nez ! Le doigt ! Entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur le nez ! Sur les doigts ! Mais j'ajoutais, marche, Gascon, fais ce que dois. Va, Cyrano ! Et ce disant, je me hasarde. Quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte... Une nazarde. Je la pars et soudain me trouve... Nez à nez. Ventre sanglis, avec 100 braillards avinés, qui peut être... À plein nez. L'oignon et la litharge. Je bondis, front baissé. Nez au vent. Et je charge. J'en estomaque deux. J'en empale un tout vif. Quelqu'un m'ajuste, paf. Et je riposte. Pif. Tonnerre. Sortez tous. C'est le réveil du tigre. Tous.

sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux. Prêteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets. Sœur Claire a regardé deux fois comment allait sa cornette devant la glace. C'est très laid. Mais Sœur Marthe a repris un pruneau de la tarte ce matin. Je l'ai vu. C'est très vilain, Sœur Marthe. Un tout petit regard. Un tout petit pruneau. Je le dirai ce soir à Monsieur Cyrano. Non, il va se moquer. Il dira que les nonnes sont très coquettes. Très gourmandes. Et très bonnes. N'est-ce pas, Mère Marguerite de Jésus, qu'il vient le samedi depuis 10 ans? Et plus. Depuis que sa cousine, à nos béguins de toile, mêla le deuil mondain de sa coiffe de voile, qui chez nous vint s'abattre il y a 14 ans, comme un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. Lui seul, depuis qu'elle a pris chambre dans ce cloître, sait distraire un chagrin qui ne veut pas décroître. Il est si drôle. C'est amusant quand il vient. Il nous taquine. Il est gentil. Nous l'aimons bien. Nous fabriquons pour lui des pâtes d'angélique. Mais enfin, ce n'est pas un très bon catholique. Nous le convertirons. Oui, oui, oui. Je vous défends de l'entreprendre encore sur ce point, mes enfants. Ne le tourmentez pas. Il viendrait moins, peut-être. Mais Dieu... Rassurez-vous, Dieu doit bien le connaître. Mais chaque samedi, quand il vient d'un air fier, il me dit en entrant, « Ma sœur, je fais gras hier. » Ah, il vous dit cela? Eh bien, la fois dernière, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ma mère! Il est pauvre. Qui vous l'a dit? Monsieur Lebray. On ne le secourt pas? Non, il se fâcherait. Allons, il faut rentrer. Madame Madeleine, avec un visiteur dans le parc, se promène. C'est le duc maréchal de Gramont? Oui, je crois. Il n'était plus venu la voir depuis des mois. Il est très pris. La cour. Les camps. Les soins du monde. Et vous demeurez ici, vainement blonde? Toujours en deuil? Toujours. Aussi fidèle? Aussi. Vous m'avez pardonné? Puisque je suis ici. Vraiment, c'était un être? Il fallait le connaître. Ah, il fallait? Je l'ai trop peu connu, peut-être. Et son dernier billet? Sur votre cœur, toujours? Comme un doux scapulaire, il pend à ce velours. Même mort, vous l'aimez? Quelquefois, il me semble qu'il n'est mort qu'à demi. Que nos cœurs sont ensemble et que son amour flotte autour de moi, vivant. Est-ce que Cyrano vient vous voir? Oui, souvent. Ce vieil ami, pour moi, remplace les gazettes. Il vient, c'est régulier. Sous cet arbre où vous êtes, on place son fauteuil s'il fait beau. Je l'attends en brodant. L'heure sonne. Au dernier coup, j'entends, car je ne tourne plus même le front, sa canne descendre le perron. Il s'assied. Il ricane de ma tapisserie éternelle. Il me fait la chronique de la semaine et... Tiens, Lebray, comment va notre ami? Mal. Oh! Il exagère. Tout ce que j'ai prédit. L'abandon, la misère. Ses épîtres lui font des ennemis nouveaux. Il attaque les faux nobles, les faux dévots, les faux braves, les plagiaires. Tout le monde. Mais son épée inspire une terreur profonde. On ne viendra jamais à bout de lui. Qui sait? Ce que je crains, ce n'est pas les attaques. C'est la solitude, la famine. C'est décembre entrant à pas de loup dans son obscure chambre. Voilà les spadassins qui plutôt le tueront. Il serre chaque jour d'un cran son ceinturon. Son pauvre nez a pris des tons de vieil ivoire. Il n'a plus qu'un petit habit de serge noir. Ah, celui-là n'est pas parvenu. C'est égal, ne le plaignez pas trop. Monsieur le maréchal... Ne le plaignez pas trop, il a vécu sans pacte. Libre dans sa pensée autant que dans ses actes. Monsieur le duc... Je sais, oui, j'ai tout, il n'a rien. Mais je lui serrerai bien volontiers la main. Adieu. Je vous conduis. Oui, parfois je l'envie. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure pendant que des grandeurs montent les degrés. Un bruit d'illusion sèche et de regret. Comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. Vous voilà bien rêveur. Eh oui. Monsieur Lebray, vous permettez un mot. C'est vrai, nul n'oserait attaquer votre ami, mais beaucoup l'ont en haine. Et quelqu'un me disait hier, au jeu chez la reine, ce Cyrano pourrait mourir d'un accident. Ah ? Oui, qu'il sorte peu, qu'il soit prudent. Prudent ? Il va venir, je vais l'avertir, oui, mais... Qu'est-ce ? Raguenaud veut vous voir, madame, qu'on le laisse entrer. Il vient crier misère. Étant un jour parti pour être auteur, il devint tour à tour chantre... Étuviste. Acteur. Bedeau. Perruquier. Maître de théorbe. Aujourd'hui, que pourrait-il bien être ? Ah, madame ! Monsieur ! Racontez vos malheurs à Lebray, je reviens. Mais, madame ! D'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle ignore. J'allais voir votre ami tantôt, j'étais encore à 20 pas de chez lui. Quand je le vois de loin, qui sort, je veux le joindre. Il va tourner le coin de la rue et je cours. Lorsque d'une fenêtre sous laquelle il passait, est-ce un hasard peut-être ? Un laquais laisse choir une pièce de bois. Les lâches ! Cyrano ! J'arrive et je le vois. C'est affreux ! Notre ami, monsieur, notre poète, je le vois là, par terre, un grand trou dans la tête. Il est mort ? Non, mais Dieu, je l'ai porté chez lui, dans sa chambre. Ah, sa chambre, il faut voir ce réduit. Il souffre ? Non, monsieur, il est sans connaissance. Un médecin ? Il en vint un, par complaisance. Mon pauvre Cyrano ! Ne disons pas cela tout d'un coup, Roxane. Et ce docteur ? Il a parlé, je ne sais plus, de fièvre, de méninge. Ah, si vous le voyez, la tête dans des linges. Courons vite, il n'y a personne à son chevet. C'est qu'il pourrait mourir, monsieur, s'il se levait. Passons par là. Viens, c'est plus court. Par la chapelle. Monsieur Lebray. Lebray s'en va quand on l'appelle ? C'est quelque histoire encore de ce bon Raguenaud. Ah, que ce dernier jour de septembre est donc beau. Ma tristesse sourit. Elle, le cabrile offusque, se laisse décider par l'automne, moins brusque. Ah, voici le fauteuil classique où vient s'asseoir mon vieil ami. Mais c'est le meilleur du parloir. Merci, ma sœur. Il va venir. Là, l'heure sonne. Mes écheveaux... L'heure a sonné. Ceci m'étonne. Serait-il en retard pour la première fois ? La sœur Tourière doit monder. Là, je le vois. L'exhorter à la pénitence. Elle l'exhorte. Il ne peut plus tarder. Tiens, une feuille morte. D'ailleurs, rien ne pourrait... Mes ciseaux, dans mon sac. L'empêcher de venir. Monsieur de Bergerac. Qu'est-ce que je disais ? Ah, ces teintes fanées. Comment les rassortir ? Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je fus mis en retard, vertu chou. Par ? Par une visite assez inopportune. Ah, oui ? Quelque fâcheux ? Cousine... C'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée ? Oui. J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaine demeure. Rien ne m'y fait manquer. Repassez dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Vous ne taquinez pas Sœur Marthe ? Si ! Sœur Marthe ! Approchez ! Beaux yeux, toujours baissés. Mais... Oh ! Chut, ce n'est rien. Hier, j'ai fait gras. Je sais. C'est pour ça qu'il est si pâle. Au réfectoire, vous viendrez tout à l'heure et je vous ferai boire un grand bol de bouillon. Vous viendrez ? Oui, oui, oui. Ah, vous êtes un peu raisonnable aujourd'hui. Elle essaye de vous convertir. Je m'en garde. Tiens, c'est vrai. Vous, toujours si saintement bavarde. Vous ne me prêchez pas ? C'est étonnant ceci ! Sabre de bois ! Je veux vous étonner aussi. Tenez, je vous permets... Ah, la chose est nouvelle. De prier pour moi ce soir, à la chapelle. Oh oh ! Sœur Marthe est dans la stupéfaction. Je n'ai pas attendu votre permission. Du diable, si je peux jamais. Tapisserie, voir ta fin. J'attendais cette plaisanterie. Les feuilles. Elles sont d'un blond vénitien. Regardez-les tomber. Comme elles tombent bien. Dans ce trajet si court de la branche à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, veulent que cette chute ait la grâce d'un vol. Mélancolique, vous ? Mais pas du tout, Roxane ! Allons, laissez tomber les feuilles de platane et racontez un peu ce qu'il y a de neuf. Ma gazette. Voici. Ah ! Samedi 19. Ayant mangé 8 fois du raisiné de 7, le roi fut pris de fièvre. À 2 coups de lancette, son mal fut condamné pour lèse-majesté. Et cet auguste pou n'a plus fébricité. Au grand bal, chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu 4 sorciers... Le petit chien de Madame Dattis a dû prendre un clistel. Monsieur de Bergerac, voulez-vous bien vous taire ? Lundi, rien. Ligdamir a changé d'amant. Oh ! Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mongla dit au comte de Fiesque, non. Jeudi, Mancini, reine de France. Ou presque. Le 25, la Monglate à De Fiesque dit oui. Et samedi, 26. Il est évanoui ? Cyrano ! Qu'est-ce ? Quoi ? Non, non, je vous assure, ce n'est rien. Laissez-moi. Pourtant... C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois... Vous savez... Pauvre ami. Mais ce n'est rien, cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire ? Ah, vous voulez ? Sa lettre ? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir ? Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut ? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus. Jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, sa lettre ? Dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front, et je voudrais crier... Comme vous la lisez, cette lettre... Et je crie, adieu ! Vous la lisez ? Ma chère, ma chérie, mon trésor... D'une voix... Mon amour... D'une voix, mais... Que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde. Celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane ! C'était vous. Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous être tue pendant 14 années, puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûr! Il est là! Tiens, parbleu! Il s'est tué, madame, en se levant. Grand Dieu! Mais tout à l'heure, alors, cette faiblesse, cette... C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, une heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort. Assassiné. Que dit-il, Cyrano? Sa tête enveloppée. Ah, que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée, frappé par un héros, tombé, la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Ah, monsieur! Ragueneau, ne pleure pas si fort. Qu'est-ce que tu deviens maintenant, mon confrère? Je suis mouchard de Chantel, chez Molière. Molière? Mais je veux le quitter dès demain. Oui, je suis indigné. Hier, on jouait Scapin. Et il vous a pris une scène. Entière. Oui, monsieur. Le fameux « Que diable allait-il faire ?» Molière te l'a pris. Chut. Il a bien fait. La scène, n'est-ce pas, a produit beaucoup d'effets. Ah, monsieur. On riait. On riait. Oui. Ma vie, ce fut d'être celui qui souffle. Et qu'on oublie. Vous souvient-il du soir où Christian vous parla, sous le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Qu'elles aillent prier puisque leur cloche sonne. Ma sœur! Ma sœur! Non, non! N'allez chercher personne. Quand vous reviendriez, je ne serai plus là. Il me manquait un peu d'harmonie. En voilà. Je vous aime, vivez. Non, car c'est dans le conte que lorsqu'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur. Moi. Moi. Vous? Au contraire. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amant à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Ton autre ami est là, qui vient te voir. Je vois. Je n'aimais qu'un seul être et je le perds deux fois. Le vrai. Je vais monter dans la lune opaline sans qu'il faille inventer aujourd'hui de machine. Que dites-vous? Mais oui, c'est là, je vous le dis, que l'on va m'envoyer faire mon paradis. Plus d'une âme que j'aime y doit être exilée. Et je retrouverai Socrate et Galilée. Non, non, c'est trop stupide à la fin. Et c'est trop injuste. Un tel poète... Un cœur si grand, si haut. Mourir ainsi. Mourir. Voilà le bras qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire. Eh oui. Voilà le hic. Sa science. Dans son délire. Copernic a dit... Oh. Mais aussi, que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Philosophe. Physicien. Rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Amant aussi, pas pour son bien. Sigi Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon. Je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sens double à ces voiles funèbres, et que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil. Je vous jure. Pas là, non, pas dans ce fauteuil. Ne me soutenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Cyrano ! Cyrano ! Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous ? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes mille. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Tiens. Tiens. Les compromis. Les préjugés. Les lâchetés. Que je pactise. Jamais. Jamais. Ah, te voilà, toi. La sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats! Je me bats! Je me bats! Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier, la rose. Arrachez! Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Essaie. C'est mon panache. C'était Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en 5 actes et en vers de Monsieur Edmond Rostand. Avec Naïd Lanciot dans le rôle de Roxane, Kellyanne dans le rôle de Christian de Neuvillette, Silverson dans le rôle de Raguenaud, Dr. Wolf dans le rôle de Lebray. Les personnages du comte de Guiche et du capitaine Carbon de Casteljaloux ont été interprétés par Blast et JBX. Ont également participé Richou dans le rôle du vicomte de Valvert, Ran Madzen dans le rôle de la Duègne, Christine Nancy dans le rôle de la distributrice et d'une nonne, Imzadi alias Madame Leto 75 dans le rôle de Dame Lise et de Sœur Claire, Johnny dans le rôle d'un fâcheux et d'un mousquetaire, Icarion dans le rôle de Lignière, Arthur Milchior dans le rôle de Montfleury, Quam dans le rôle de Belle Rose, Mick 180 dans le rôle de Jodelet, Geek Forever Prod dans le rôle de D'Artagnan. François TJP a interprété le Tirlaine, Matteo Gaona a joué le rôle d'un officier espagnol, Gorto Zaran dans le rôle de Théophraste Renaudot et d'un garde, Félix Olivesi dans le rôle de la mère Marguerite de Jésus, Chloé François dans le rôle de Sœur Marthe, Ambroise dans le rôle du portier, Raoulito et Laurent Dill ont respectivement interprété un bourgeois et son fils. Destrocorn et Maiev ont quant à eux joué les rôles de Cuigy et Brissaille. Le premier marquis a été interprété par Mathieu Quintin. Les figurants, dont les pages, marquis, précieuses, pâtissiers, poètes, cadets de Gascogne et sœurs du couvent des Dames de la Croix, ont pris vie grâce au précieux concours de Michael et Raphaël Lida, Dayuke, Tamika, Chloé François, Moustache, Lamusée, Gorto Zaran, Viatou, Christine Nancy, Istune, Laure et Vincent, Christophe Pantel, Grushkov, Geek Forever Prod et Puff Magic Fingers. J'ai, quant à moi, Leto 75, interprété les rôles de Cyrano, d'un laquais, d'un spectateur, de plusieurs cadets et du capucin de l'acte 3. Je me suis également chargé du casting, de la direction d'acteurs, du montage, du mixage, ainsi que des illustrations. Musique additionnelle de Lohengrin pour les Théorbes et Istune pour la cornemuse de Montfleury. Un grand merci, vraiment un très très grand merci à toutes et à tous pour avoir cru à ce projet et pour m'avoir soutenu pendant sa longue réalisation. À bientôt pour de nouvelles aventures.